بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La semaine dernière, on avait expliqué les hadiths 11, 12 et 13 qui se portent volontaires. Tfadal. كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. رواه. نعم. رواه البخاري ومسلم. والخبث. والخبث. بضم. بضم الباء. والخاء بضم الخاء والباء. وهو جمع نعم خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم يعني سوسي سوف يبقتي دي متن لعمدة الأحكام donc quand on dit apprendre عمدة الأحكام c'est vrai que c'est je crois que c'est la première fois que ça arrive mais il faut aussi apprendre les explications qui sont données par Al-Hafid Al-Maqdisi, Al-Ghani Al-Maqdisi, Rahimahullah, à savoir lorsqu'il y a des explications sur des termes, il faut aussi les apprendre, Inch'Allah. Ensuite, le hadith, le 12e. Salim, Tanda. ولكن نعم رواه البخاري ومسلم وقال أبي أيوب نعم فقدمنا الشام فوجدنا المراحل نعم قد بنيت نعم قد بنيت نحو الكعبة ننحرف عنها فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل أحسنت بارك الله فيك يا تخزن الحديث كي سي بارد فولونتير تفضل حسن حديث 13 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة رقيت النبي صلى الله عليه وسلم رقيت يوما على بيت حفصة رقيت يوما على بيت حفصة رأيت فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته الشام مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم أحسن بكسر القف أي صعيد نعم أي صعيد تو vous avez ça dans le matin c'est dans le تعليق نعم parce que je crois que ça ne fait pas partie du matin Hassan نعم Classique. D'autres volontaires? On se contente du strict minimum? طيب. يقول المؤلف رحمه الله الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء رواه البخاري ومسلم العنزة الحربة الصغيرة. Donc le 14e hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait aux toilettes, je prenais moi et un enfant de mon âge, un récipient d'eau, ainsi qu'une petite lance, et il se lavait avec l'eau. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wal-anazah, c'est une petite lance, c'est une lance de petite taille. Gharib al-hadith. قال اولا وغلام نحوي الغلام هو المميز حتى يبلغ ونحوي يعني هو مقارب لي في السن et un enfant de mon âge وغلام نحوي et l'enfant c'est celui qui arrive à distinguer mais qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et nahwi, c'est-à-dire qu'il a à peu près le même âge que moi. Thaniyan, idawatan min ma, bi kasri al-hamza, hiya al-ina'u al-saghir min jild, yuj'alu lil-ma. Idawatan min ma, lorsque Anas radiallahu anhu a dit idawatan min ma, cela signifie un petit récipient en cuir dans lequel l'on conserve l'eau. Thalithan, al-anaza, Asa aqsaru min ar-ramh laha sinan. C'est-à-dire, c'est un morceau de bois qui est plus petit qu'une lance et qui a un fer. C'est-à-dire, il a un fer de lance. C'est-à-dire, il y a une partie pointue en métal qui est fixée à ce morceau de bois. Autrement dit, c'est une lance de petite taille. Al-ma'na ijmali. يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. Le sens général du hadith. Le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Anas ibn Malik radiallahu anhu, raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait aller aux toilettes, il venait, lui et un enfant de son âge, c'est-à-dire Anas ibn Malik venait avec un enfant de son âge et ils avaient en leur possession de l'eau qui va permettre au prophète sallam de se laver et cette eau, il la transportait dans un récipient de cuir. Et également, ils apportaient avec eux une petite lance qui permettait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir se cacher et de se mettre à l'abri du regard des gens. Et c'est un petit morceau de bois qui a à son extrémité un morceau de fer qui permet de pouvoir planter ce morceau de bois dans la terre et de poser quelque chose dessus, un vêtement, un drap ou autre, afin de se protéger du regard des gens. Donc ici, Al-Anazah, c'est un morceau de bois que le professeur Hassanem plantait dans l'endroit où il allait faire ses besoins et il posait dessus soit un vêtement ou soit un drap ou autre qui lui permettrait de se cacher du regard des gens. Et les savants disent que Al-Anazah, le professeur Hassanem, utilisait beaucoup ces petites lances pour deux usages, le premier de permettre de se cacher du regard des gens, et le deuxième d'en faire une sutra. Ma yukhadhu min al-hadith, qu'est-ce que l'on retient du hadith? Awalan jawazu l'iqtisari ala al-ma'i fi l'istinja wa huwa afdalu min al-iqtisari ala al-hijara li'anna al-ma'a anqa. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'autorisation de se contenter de l'eau uniquement. C'est-à-dire de laver ses parties après avoir fait ses besoins avec de l'eau uniquement, que cela est autorisé. Et que de se contenter de l'eau est meilleur que de se contenter de pierre ou de papier. Car l'eau permet de purifier de façon meilleure. والأفضل الجمع بين الحجارة والماء فيقدم الحجارة فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء أو يتبعها الماء. Et le mieux est de rassembler entre l'eau et les pierres. Et on avait vu que les pierres avaient aussi le jugement des pierres, tout ce qui est similaire, et à notre époque bien sûr le papier. Et lorsque l'on rassemble entre les pierres et l'eau, il faut précéder les pierres, c'est-à-dire commencer par nettoyer avec la pierre, avec les pierres ou avec le papier, puis de faire suivre l'eau. ليحصل الانقاء الكامل, afin que cela soit purifié ou que la purification soit totale. قال الإمام النووي رحمه الله فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أم لم يجده فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. Puis, Cheikh al-Bassam, rahimahullah, cite la parole de l'imam al-Nawawi, alayhi rahmatullah, qui dit « Et un groupe des salafs, ainsi que des khalafs, et les khalafs, ce sont ceux qui sont venus après les salafs, qui sont venus après les salafs, et les salafs, vous savez, que ce sont les trois générations qui ont succédé au prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et qui a fait l'objet de l'unanimité des personnes qui étaient aptes à faire des fatwas parmi les savants, que le meilleur et le mieux est de rassembler entre l'eau et les pierres, et d'utiliser en premier l'eau, en premier la pierre, afin de réduire la saleté, et pour permettre à la main de toucher le moins d'impuretés possible. C'est-à-dire lorsque l'on utilisera l'eau par la suite, puis utiliser l'eau. Et s'il veut se contenter de l'un des deux, alors il lui est autorisé de se contenter de l'un des deux, que l'un soit présent ou non. Autrement dit, il t'est autorisé de te nettoyer avec du papier uniquement, ou avec de l'eau uniquement, et tu as le droit de te nettoyer avec du papier, même s'il y a de l'eau. Même si tu as la possibilité d'utiliser de l'eau, et que tu préfères te contenter uniquement de papier, cela est autorisé. Et celui qui connaît cette autorisation, eh bien cela va lui faciliter énormément de choses. Surtout pour ceux qui sont amenés à faire leurs ablutions dans les lieux de travail, ou dans les écoles, etc. La plupart ne font pas la prière parce qu'ils disent de toute façon moi je peux pas faire l'istinja. Quand je vais aux toilettes, il n'y a pas de bouteille là-bas, et puis le bouteille c'est chouma, etc., etc. Pourquoi une bouteille? Il y a du papier, oui, alhamdoulilah, ça suffit. Que tu ailles au sel ou que tu urines, tu as le droit de te contenter de te nettoyer avec du papier uniquement. Tout en sachant que le papier ne nettoiera pas comme l'eau, et en poussant plus loin encore, même s'il reste des traces, cela n'influera pas et ne remettra pas en cause la validité de tes ablutions et de surcroît la validité de ta prière, à condition de le faire comme il se doit. Même s'il reste des résidus, cela ne portera pas préjudice ou ne te portera pas préjudice. Et il ne faut pas faire l'analogie indirecte entre al-istijmar, al-istinja et al-wudu et al-tayammum. Al-tayammum, on l'utilise quand il n'y a pas d'eau ou quand l'eau est présente, mais il ne nous est pas possible de l'utiliser. Contrairement à al-istinja et al-istijmar, al-istijmar qui est de se nettoyer avec des pierres ou avec du papier, et al-istinja de se nettoyer après avoir fait ses besoins avec de l'eau, les deux sont indépendants. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. La seule corrélation qu'il y a, c'est que si tu les rassembles, c'est mieux. Mais tu as le droit de faire l'un ou l'autre, que tu puisses faire l'un ou que tu ne puisses pas faire l'autre. ثانياً استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى قيام إلى القيام فيتلوث. Deuxièmement, on en déduit de ce hadith que le musulman doit préparer l'eau avec laquelle il va se nettoyer après avoir fait ses besoins. Car s'il ne la prépare pas avant, il sera obligé de se laver, de se lever à foin, et cela pourrait être la cause qu'il se salisse. Qu'il salisse son corps ou qu'il salisse ses vêtements. Et ainsi faisait Anas ibn Malik, il préparait l'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se laver. ثالثا تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. Troisièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à ce que les gens ne le regardent pas lorsqu'il faisait ses besoins, car de regarder la aura est interdit. De voir la aura d'un musulman ou d'une musulmane est interdit en islam. Et s'il est interdit de la voir, il est aussi interdit de la montrer. S'il est interdit de la voir, il est également interdit de la montrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait cela et se préservait du regard des gens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on a vu à l'extérieur comment procédait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, à savoir qu'il plantait un morceau de bois et posait dessus un vêtement ou autre qui le protégeait du regard. Et beaucoup ne prennent pas en compte ce comportement en islam et considèrent que le fait de se retourner suffit. Non, il faut t'éloigner. Lorsque tu conduis et que tu as des envies pressantes, ne t'arrête pas au bord de la route avec toutes les voitures qui passent et qui regardent et qui te regardent en train de faire tes besoins. Même si tu es de dos, va te cacher dans un autre endroit plus discret. Le musulman est ainsi. رابعاً جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. Quatrièmement, l'autorisation de faire travailler les petits, c'est-à-dire les enfants, même s'ils sont libres, car Anas ibn Malik radiallahu anhu était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'était pas esclave. طيب الحديث الخامس عشر le 15e hadith. عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء رواه البخاري ومسلم. Le 15e hadith selon أبي قتادة الحارث بن ربعين Al-Ansari radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne prenne pas sa verge de sa main droite lorsqu'il urine et qu'il n'essuie pas les impuretés issues du fait qu'il a fait ses besoins de sa main droite et qu'il ne respire pas dans le récipient. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض. Le sens général de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ou est composé de trois phrases qui sont chacune des conseils précieux qui éduquent l'être humain et qui lui permet de se prémunir des saletés, des choses nuisibles ainsi que des maladies. فالأولى والثانية أن لا يمس ذكره حال بوله ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. Le premier et le second de ces conseils sont de ne pas prendre sa verge de sa main droite lorsque le musulman urine et de ne pas nettoyer l'impureté, que ce soit l'impureté issue de l'urine ou des selles, de sa main droite, car la main droite a été préparée, ou Allah Azza wa Jalla l'a créée pour des choses bonnes et pour toucher et pour être en contact, et pour être en contact et de faire des choses qui sont appréciées comme le fait de manger et de boire. Et si cette main droite touche les impuretés et se salit par la suite et est amenée ensuite à toucher de la nourriture ou de la boisson ou à serrer la main ou autre, eh bien cela devient une chose répugnante et ceci peut aussi être une cause de la propagation de maladies cachées. Et ça, on l'avait vu dans les hadiths précédents, à savoir que la main droite, le fait de se laver avec la main droite après avoir fait ses besoins, que cela la salit. Or, la main droite, on l'utilise pour manger, pour boire, pour donner, pour prendre et pour serrer la main. Et beaucoup de maladies se transmettent d'être humain vers être humain à cause des microbes qui sont présents dans les mains. Et la plupart des personnes qui sont atteintes de gastro, la plupart du temps, c'est à cause de leurs mains. Le fait qu'ils ne se lavent pas bien les mains avant de manger. والثالثة النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده. Troisièmement, le troisième conseil, c'est l'interdiction de respirer dans un récipient que l'on utilise pour boire, car il y a également dans cela beaucoup de préjudices. Parmi ces préjudices, minha takrihuhu lish-sharibi ba'da. Le premier préjudice, c'est que tu vas dégoûter la personne qui va vouloir boire après toi. Si tu bois dans un verre en respirant, est-ce que celui qui aura envie de boire après toi aura envie de boire de ton verre ou se lèvera pour aller chercher un autre verre? Il n'y a aucun doute que cela porte un préjudice à celui qui a l'intention de boire de ce verre par la suite. كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى. Également, il peut sortir de son nez certaines maladies qui saliront l'eau et permettra à une épidémie de se propager. إذا كان الشارب المتنفس مريضا, et surtout lorsque celui qui boit et qui respire dans son récipient ou dans son verre est malade. وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب. Également, le fait de respirer en buvant peut porter préjudice à celui qui boit. حينما يدخل النفس الماء حينما يدخل النفس الماء النفس الماء ويخرج منه. C'est-à-dire lorsqu'il boit en respirant, c'est-à-dire qu'il va respirer et il peut respirer de l'eau en même temps et cela peut lui porter préjudice. والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, n'ordonne que les choses dans lesquelles il y a le bien et n'interdit que les choses dans lesquelles il y a la discorde et le mal. اختلاف العلماء, la divergence des savants. اختلاف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة فذهب بعض الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le jugement de ces trois choses. Est-ce une interdiction ou est-ce déconseillé? Al-Zahiriya, on a vu que Al-Zahiriya, quelle est leur particularité? Non, ils s'accrochent au texte et comprennent les textes selon ce qui apparaît de celui-ci. Et Al-Zahiriya, justement, sont de l'avis que cela est interdit. Car c'est ce que l'on comprend de ce qui apparaît du hadith. وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبية. Et la plupart des savants considèrent que cela est détestable. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cela, il l'a dit dans le but d'éduquer ses compagnons et non pas dans le but de leur interdire. ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient de ce hadith. أولا النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول. Premièrement, l'interdiction de toucher la verge de la main droite ou de prendre la verge de la main droite au moment où l'on urine. ثانيا النهي عن الاستنجاء باليمنى. L'interdiction de se laver avec la main droite. De se laver les parties après avoir fait ses besoins, bien sûr. Troisièmement, l'interdiction de respirer dans un récipient. Quatrièmement, on en déduit le fait de s'éloigner des choses impures. Et si la personne est obligée de les toucher, alors que cela se fasse avec la main gauche et non la main droite. Khamisan, bayan sharaf al-yamin wa fadlaha 'ala al-yasar. Cinquièmement, que la main droite a plus de mérite que la main gauche. Que la main droite a plus de mérite que la main gauche, ou de façon plus générale, que la droite a plus de mérite que la gauche. Et cela entre dedans les mains, mais autre que les mains également. Autre que les mains également. Et on a vu cela dans le hadith de Aïcha, qui dit que le professeur sallam, il aimait la droite dans toutes les choses. Lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il s'habillait, lorsqu'il se purifiait également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait aussi par la droite lorsqu'il mettait al-kuhl. Al-kuhl, c'est quoi? C'est le... Comment on appelle ça en français? Hudayfa, comment on appelle ça en français? Mascara. Mascara. Mascara, c'est pour les femmes. Je crois que c'est le même nom. C'est le même nom, kuhl. Al-kuhl, c'est cette poudre noire que l'on met sur... sur les cils pour embellir le regard, pour embellir le regard. Et il y a différentes sortes de kuhl, et celui qui est le meilleur, c'est al-ifmid, qui lui n'est pas noir mais plutôt rougeâtre. Et le professeur sallam a dit alaykum bil ifmid fa innahu yajlu al basar, utilisez le ifmid car il améliore la vue. Car il améliore la vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait l'iktihal, il commençait par son œil droit, puis son œil gauche. Sadisan, al-i'tina'u bin nadafati al-amma, la siyam al-ma'kulat wal-mashroubat, allati yahsulu min talwithiha dararun fi s-siha. Sixièmement, que l'islam nous encourage à la propreté de façon générale et de façon plus précise dans les nourritures et les boissons, car lorsque celles-ci sont tachées d'impureté ou sont imprégnées d'impureté, ceci porte préjudice à la santé. Sabi'an sumu al-shar' haythu amara bi kulli nafi' wa haddhara min kulli dar. Septièmement, la grandeur de cette religion, car elle ordonne tout ce qui est profitable et interdit et met en garde contre tout ce qui est préjudiciable. طيب الحديث السادس عشر, le 16e hadith. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes. Et il a dit, ils sont châtiés, ces deux-là sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Quant à l'un d'entre eux, il ne se préservait pas de son urine. Quant à l'autre, il parcourait les gens en n'utilisant la médisance. Et le prophète sallam a alors pris une palme fraîche, il l'a coupée en deux et a planté chacune de ses parties au-dessus de chacune des tombes. Et ils ont dit, oh envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il a dit, en espérant que leur châtiment soit allégé tant que ces deux morceaux de palme ne se dessèchent pas. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Gharib al-Hadith. Awalan innahuma la yu'adhaban. Al-Muradu yu'adhibu man yu'adhabu man fihima. Min itlaq ismi al-Mahal ala al-Hal fihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes et a dit que ces deux tombes sont châtiées. Ces deux tombes sont châtiées, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là les personnes qui sont dans cette tombe. Et ici, c'est ce qu'on appelle en arabe ismul mahal ala al-halifi, c'est-à-dire de prononcer l'endroit mais en voulant dire ce qui s'y passe. Comme tu dis par exemple telle maison est joyeuse. Non, dans cette maison, ils sont tranquilles. Ou cette maison, elle est tranquille. Est-ce qu'on parle des murs ou est-ce qu'on parle des gens qui y habitent? On parle des gens qui y habitent. Donc ici, le prophète a dit, ils sont châtiés en parlant de ceux qui sont dans la tombe, des habitants de ces deux tombes. ثانياً لا يستتر من البول بتاءين أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي لا يستبرئ. Il ne se préservait pas ou il ne se cachait pas de son urine. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas attention aux éclaboussements de son urine. Il ne faisait pas attention à se prémunir du retour de son urine. ثالثاً يمشي بالنميمة ينقل كلام الغير بقصد الإضرار. Et quant à l'autre, il marchait ou il parcourait les gens en utilisant la médisance. C'est-à-dire qu'il rapportait la parole de l'autre dans le but de nuire. Il rapporte la parole de l'autre dans le but de nuire. D'aller chez un tel, de dire un tel a dit ça. Et d'aller chez l'autre, de dire un tel a dit ça. Dans le but que ces deux personnes se détestent ou qu'il y ait de la zizanie entre les deux. Et al-namima, ce n'est pas al-riba. Al-namima, ce n'est pas al-riba. Al-riba qui est la médisance. Al-namima qui est le fait de rapporter des paroles dans le but de nuire, même si ces paroles sont vraies. Et al-riba, la médisance, comme l'a dit le professeur sallam, dhikruka akhaka bima yakra, c'est-à-dire de dire sur ton frère des choses qu'il détesterait. Hamukallah. Et un des compagnons dit, Ya Rasulallah, ara'aita in kana ma fi, ou in kana ma qila fi. Ou envoyé d'Allah, que dis-tu si ce que l'on dit sur lui est vrai? Et le prophète sallam a dit, si ce que tu dis est vrai, mais qu'il le déteste, tu as alors médit sur lui. Wa in kadhabta faqad bahatta. Et si tu as menti, alors tu auras calomnié sur lui. Alors tu auras calomnié sur lui, c'est-à-dire que ce sera d'autant plus grave. Donc al-riba, c'est le simple fait de parler de ton frère sur des choses qu'il déteste, et al-namima, c'est de colporter les informations à différentes personnes dans le but de créer la zizanie entre eux. Rabi'an fa'akhada jaridatan عصيب النخل الذي ليس فيه سعف فأخذ جريدة, c'est-à-dire une palme. Qu'est-ce qu'une palme? Non, c'est une feuille de palmier ou c'est une branche? Parce qu'il y a la palme et il y a les feuilles de la palme. Non, quand une palme est représentée, comment on la représente, la palme? C'est la branche avec les feuilles. Et là, l'imam Cheikh Al-Bassam dit, c'est une palme qui n'a pas de feuilles. C'est-à-dire, c'est uniquement la tige qu'il y a au milieu. C'est ce qu'a pris le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. فَغَارَزَا خَمِسًا فَغَارَزَا بِالزَّاي وَرَوَاهُ مُسْلِمْ بِالسِّينْ أَيْ غَارَسَا قَالَ أَبُو مَسْعُودُ وَمَوْضُوعُ الْغَرْسِ كان بإزاء الرأس ثبت بإسناد صحيح فغرز, c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a planté. Et Abu Mas'ud a dit que lorsque l'on parle de l'gars, c'est de planter non pas la base mais la tête. Lorsque tu prends cette tige, tu ne prends pas la base de celle-ci mais tu prends la tête. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit la partie supérieure de cette branche. Al-ma'na al-ijmali. Marra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ahu ba'd ashabihi bi qabrayni. Fakashafa Allah subhanahu wa ta'ala lahu anhuma fara'a man fihima yu'adhaban. Fa akhbara أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, alors qu'il était en compagnie de ses compagnons, il est passé à proximité de deux tombes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a découvert et a montré à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ces deux tombes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les habitants de ces deux tombes étaient châtiés. Il en a alors informé ses compagnons, et également pour mettre en garde et mis en garde sa communauté, et pour la faire peur et pour la prévenir du châtiment de l'enfer. فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه. Et les habitants de ces deux tombes sont châtiés chacun des deux à cause d'un péché. Un péché qu'il est simple de délaisser et qu'il est aisé de s'en éloigner. لمن وفقه الله لذلك. Et ceci pour celui à qui Allah Azza wa Jal, celui à qui Allah Azza wa Jal a guidé et à qui Allah Azza wa Jal a permis cela. فأحد المعذبين أو فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيب النجاسة فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه. Quant à l'un ou l'une de ces deux personnes châtiées, il ne se préservait pas de son urine lorsqu'il urinait. Il ne faisait pas attention à ne pas être taché. Et ceci a engendré que l'impureté salissait à la fois son corps ainsi que ses vêtements. والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس. Quant à l'autre, c'est un diable qui va chez les gens en prononçant de la médisance qui est la cause de du fait que les musulmans se détestent et qu'ils deviennent ennemis les uns les autres. Donc ici, Cheikh Bassem a considéré cette personne comme étant un diable. Et vous savez que les diables, il y en a parmi les djinns, mais il y en a aussi parmi les gens, parmi les êtres humains. Min sharri waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Min al-jinnati wan-nas. Quand tu demandes la protection d'Allah Azza wa Jalla contre le diable, tu as le droit de demander la protection d'Allah Azza wa Jalla, et des fois c'est une obligation, contre les diables djinns et contre les diables humains. وَلَا سِيَمَا الْأَقَارِبُ وَالْأَصْدِقَاءُ يَأْتِي إِلَى هَذَا فَيَنْقُلُ إِلَيْهِ كَلَامُ ذَاكَ وَيَأْتِي إِلَى ذَاكَ فَيَنْقُلُ كَلَامَ هَذَا فَيُولِدُ بَيْنَهُمَا الْقَطِيعَةَ وَالْخِصَامُ وَالْإِسْلَامُ إِنَّمَا جَاءَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمُخَاصَمَاتِ. Et ce second, qui est un diable parmi les gens, va chez les uns et les autres en médisant, et il fait cela plus particulièrement entre des amis et des personnes proches. Il va chez l'un et lui rapporte la parole de l'autre, et va chez l'autre et lui rapporte la parole de l'un. Ainsi, eh bien, il se sépare ou il s'embrouille. Et l'islam est venu pour que l'amour et l'amitié persistent entre les gens, et également pour abolir toute dispute et toute discorde. ولكن الكلم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était bon et miséricordieux, a éprouvé de l'affection et de l'attention envers ces deux personnes qui étaient châtiées dans leur tombe. فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين. Il a alors pris une palme de palmier qui était fraîche et il l'a coupée en deux. وغرز على كل قبر واحدة Et il a planté dans chacune des tombes, ou au-dessus de chacune des tombes, un morceau de cette palme. فسأل الصحابة النبي صلى فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل عن هذا العمل الغريب الغريب عليهم فقال لعل الله يخفف عنهما يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان. Et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont demandé, ont posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم sur ce fait étrange qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, et il a dit ceci en espérant qu'Allah azza wa jal allège leur châtiment tant que ces deux morceaux de palme ne soient pas desséchés. Ikhtilaf al-ulama, la divergence des savants. Ikhtilaf al-ulama ou fi wad' al-jaridati 'ala al-qabr, fa dhahaba ba'dhum ila istihbab wad' al-jaridati 'ala al-qabr. لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما والعلة عند هؤلاء مفهومة وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. La divergence des savants, les savants ont divergé sur le fait de planter également une palme sur les tombes. Certains savants considèrent que cela est recommandé de placer ou de planter un morceau de palme sur une tombe, car ils considèrent que ce fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une législation générale à l'ensemble de sa communauté. Et ils ont donné pour cause, ils ont donné comme explication que le fait de planter ce morceau de palme, eh bien ce morceau de palme va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Car toute chose glorifie Allah azza wa jal. Et ce morceau de palme ou cette palme glorifie Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'elle est mûre. Tant qu'elle est mûre. Et ainsi, cette glorification, eh bien, apporte un bénéfice à celui qui est dans la tombe et le soulage de son châtiment. Donc ça c'est l'avis de certains savants. وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يثبته. أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين. وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد إلا ما روي عن بريدة ابن الحصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. أما التسبيح فليختص بالرقب دون اليابس. والله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين وهي الكشف له من عذابهما. قال القاضي عياض علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله لا يعذبان فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة. Et le second avis des savants qui est que cela n'est pas légiféré. Que cela n'est pas légiféré car c'est un acte d'adoration et tout acte d'adoration a besoin d'être appuyé par une preuve. Et il n'y a pas dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam une preuve qui vient soutenir que c'est une adoration générale qui est à la portée de tout musulman. Quant à ce fait, c'est un fait précis qui a eu lieu au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sagesse est inconnu. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait pour autre que ces deux tombes. Et également, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas fait. Il a seulement été rapporté, selon Buraïd ibn al-Hasib, qu'il a écrit dans son testament qu'il souhaitait que deux palmes soient plantées sur sa tombe. Cela est la réponse sur le fait que c'est une législation générale. Quant au tasbih, quant au fait que la palme glorifie Allah Azzawajal, il n'y a rien qui prouve que la palme fraîche glorifie Allah et que la palme sèche ne le glorifie pas. Bien au contraire, Allah Azzawajal a dit dans le Coran, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Il n'y a pas une chose sans qu'elle ne glorifie la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose, c'est-à-dire toute chose, quelle que soit cette chose, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit une branche, que ce soit une branche fraîche ou une branche sèche. Dans les deux cas, ou dans tous les cas, eh bien cette chose glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la réponse sur le deuxième argument. Et les savants disent également, ils disent, supposons que la sagesse est connue. À savoir que la sagesse, c'est le fait que ce morceau de palme glorifie Allah Azza wa Jal, et cette glorification, eh bien, bénéficie aux défunts dans sa tombe. Supposons que cela soit vrai. Nous disons que cela ne peut avoir lieu que dans le cas similaire à celui du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir les deux tombes et de voir les habitants de ces deux tombes et de constater qu'ils étaient châtiés. Pour cela que le Qadi Iyad rahimahullah a dit que la cause, pourquoi le prophète sallam a-t-il planté les deux palmes, la cause est dans le hadith innahuma la yu'adhaban. Ces deux tombes sont en train de subir le châtiment, et c'est parce qu'elles subissent le châtiment que le prophète sallam a planter les palmes. Donc la cause, c'est le fait d'avoir le châtiment. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il su que ces deux tombes étaient châtiées? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait. On ne peut donc pas dire que cela est une législation générale, et car nous ne savons pas si ces personnes sont châtiées ou pas. Ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses invisibles. Les deux argumentations sont claires ou pas? Hein? C'est clair? طيب ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on déduit du hadith. أولا إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأئمة. Premièrement, l'existence du châtiment de la tombe, comme cela est rapporté, comme cela est populaire dans l'islam, dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Thaniyan, adamu l'istibra'i min al-najasat sababun fi hadha al-adhab, falwajibu l'istibra'i minha. Falhadithu yadullu ala anna lilbawli bin nisbati ila adhab al-qabri khususiyya, wa yuakkidhu thalika marawahu al-hakim ibn Khuzaymah, وهو أكثر عذاب القبر من البول قال ابن حجر وهو حديث وهو صحيح الإسناد. Deuxièmement, que le fait de ne pas se prémunir des impuretés sont des causes du châtiment de la tombe. Il est donc obligatoire de s'en préserver, de s'en prémunir. Et le hadith ce hadith prouve que l'urine on doit donner à l'urine une importance particulière. Et ce hadith prouve que l'on doit donner à l'urine une importance particulière. Et vient appuyer cela, ce qui est rapporté par Al-Hakim et par Ibn Khuzaymah, dans lequel il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui cause le plus le châtiment de la tombe et l'urine. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit que la chaîne de transmission de ce hadith est authentique. ثالثا تحريم النميمة بين الناس L'interdiction de faire un namimah entre les gens et que c'est également une des causes qui provoque le châtiment de la tombe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le namam, celui qui va chez les gens en colportant les informations, qu'il n'entrera pas au paradis. Rabi'an, rahmatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabi wa hirsihi ala ib'ad ash-sharri anhum. Quatrièmement, on en déduit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons et sa volonté, la grande volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éloigner tout mal d'eux, et ceci qu'il soit vivant comme mort. Khamisan, as-sitru ala al-dhunub wal-uyub, fa'innahu lam yusarrih bismay sahibay al-qabrayni wala'allahu maqsoud. Regardez les savants jusqu'à où ils vont, mashallah. Cinquièmement, le fait de cacher les péchés et les défauts des musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dévoilé le nom de ces deux habitants, de ces deux tombes. Et ceci est sûrement voulu. Ceci a sûrement été voulu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces deux personnes se faire châtier, mais il n'a pas dévoilé leur nom. Ceci pour les cacher et pour ne pas les dévoiler leur fait et leur situation. Ainsi, le musulman doit cacher les défauts de son frère musulman. Man satara musliman satarahu Allah. Celui qui cache un musulman, Allah Azza wa Jal le cachera. Celui qui cache les défauts et les péchés de son frère, Allah Azza wa Jal lui cachera ses défauts le jour du jugement. Et dans quel moment ou dans quelle situation le dévoilement des péchés est le plus humiliant? Est-ce sur cette terre ou est-ce le jour du jugement où tout le monde, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront rassemblés dans une seule et même terre? Et le prophète sallallahu alayhi salam a interdit de suivre les défauts des musulmans. Il a dit alayhi salam, ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al iman fi qalbihi. Ô vous qui vous êtes soumis avec vos langues mais pour lesquelles la foi n'a pas encore pénétré le cœur. La tartabu al muslimin, ne soyez pas médisants envers les musulmans. Wa la tattabi'u awaratihim, et ne suivez pas leurs défauts. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Car celui qui recherche les défauts de son frère, Allah recherchera ses défauts. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Et celui à qui Allah Azza wa Jal recherche ses défauts, il montrera ou il le dévoilera au grand jour, c'est-à-dire tous ses défauts, même s'il est dans le fin fond de sa maison. Même s'il est dans le fin fond de sa maison, eh bien Allah Azza wa Jalla fera en sorte que ses péchés également à lui seront dévoilés et que les gens en prendront connaissance. Sadisan, qawluhu ma yu'adhabani fi kabir, ay bi sababi dhanbin kabirin tarakahu alayhima, fa inna tarka an-namima والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة الشاقة وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد. Sixièmement, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. C'est-à-dire que la cause de ses péchés, il n'était pas difficile de s'en abstenir. Il n'était pas difficile de s'éloigner de ses péchés. Car de s'abstenir ou de se préserver de la médisance et de l'urine n'est pas quelque chose de fatigant, n'est pas quelque chose d'éprouvant. Mais le châtiment est grand, car les conséquences de ces péchés sont graves. Les conséquences de ne pas se prémunir de son urine est que sa prière n'est pas acceptée. Car il faut, pour que la prière soit acceptée, que l'endroit dans lequel tu pries soit propre, mais également que tes vêtements soient propres et que ton corps également soit propre. Et les conséquences également de la médisance sont plus que graves. Le fait de créer la zizanie entre les musulmans, le fait d'être la cause que des musulmans ne se parlent plus, que des musulmans se détestent, que des musulmans se fassent la guerre, que des musulmans ne se parlent plus, etc., etc. Les conséquences sont le plus souvent dramatiques. فائدة اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت. فقال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. Puis il remarque que fait Cheikh al-Bassam, rahimahullah, il dit, les savants ont divergé sur le fait que le mort bénéficie d'un acte que ferait un vivant et pour lequel il dédierait la récompense à ce mort. Que ce soit un acte fait par son corps, c'est-à-dire un acte d'adoration, ou bien que ce soit de l'argent. À savoir qu'un vivant fasse une adoration ou donne une aumône en ayant l'intention que la récompense arrive et que qu'en bénéficie un défunt. Est-ce que cela est autorisé ou pas? Est-ce que cela est vrai ou non? L'imam Ahmad rahimahullah dit que le mort arrive à lui tout bien. Arrive à lui tout bien, car il y a beaucoup de textes rapportés dans ce sens. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة. Et quand Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a été rapporté de lui deux paroles. La première, c'est que effectivement le mort en profite. Et ceci est et ceci, les imams sont d'accord sur cela. والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين واتباع نهج السلف أولى. Et le deuxième avis rapporté de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, à savoir que cela ne faisait pas partie des faits des salafs, de nos pieux prédécesseurs, qui, lorsqu'ils faisaient une adoration, qu'ils offraient la récompense de celle-ci à un défunt parmi les musulmans, et de suivre la voie des salafs et ce qu'il y a de mieux. وقال الصمعاني الميت يصح أن يوهب له أي تقربة. Et le même الصمعاني رحمه الله, qui a expliqué Bulugh al-Maram dans son livre Subul al-Salam, il dit, le mort, il est autorisé de lui offrir toute adoration. أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف. Quant à lui offrir l'ensemble des adorations, cela est un sujet de divergence chez les savants. والحق لحوقها. Et la vérité, c'est la parole de l'imam al-Sanani, est que cela lui parvient. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que les informations sont venues de façon nombreuse, à savoir que le mort connaît l'état de sa famille et l'état de ses compagnons dans cette vie d'ici-bas, et qu'il est heureux s'ils font des bonnes choses et malheureux s'ils en font des mauvaises. Et parmi ces hadiths, il y a an-niyaha, la lamentation. Des proches d'un défunt qui se lamentent. Et plus particulièrement les femmes qui crient, qui se déchirent les vêtements, qui se griffent les joues, etc. Est-ce que cela porte atteinte aux morts ou pas? Oui. Cela porte atteinte aux morts et cela lui porte préjudice. Donc cela fait partie des preuves qui viennent soutenir cela. Allahu a'lam. Et l'avis que de Cheikh Al-Albani rahimahullah est que cela ne faisait pas partie de la voie des salafs. Cela ne fait pas partie de la voie des salafs de à chaque fois lorsque tu fais une adoration de dédier la récompense aux défunts, mais que cela est autorisé de l'enfant vers le père, ou que cela est autorisé de façon occasionnelle, mais de ne pas en prendre une habitude. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك